Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Didier Super. Salut Didier, comment tu vas? Bonjour. Je me plains pas. Hein. Ouais. Il y a de la CEDIC qui tombe tous les mois et puis on fout rien. Du coup, moi, ça me va bien. D'accord. Donc, tu es le seul artiste qui limite se réjouit de la pandémie, quoi. Oh ouais, je commence à en avoir marre de tu sais, tout le temps, tous les week-ends, tu pars, Bobonne, elle gueule parce que tu pars bosser, à la fois elle est contente que tu ramènes de la thune, mais elle veut tout le temps que tu sois à la maison, machin, bon bah voilà, là c'est réglé quoi. Non, non, c'est bien. Ouais, c'est vrai qu'elle a été exaucée à ce niveau-là. Et donc, au cours de ces sorties où tu te faisais engueuler par Bobonne, tu as eu une ou plusieurs anecdotes que tu nous racontes dans le podcast, c'est ça? Oh bah si t'en veux, ouais, ça manque pas, hein. C'est y a de tout, hein. Y a de tout, ouais, vas-y, vas-y, moi je vais t'en balancer, hein. Y a pas de problème. Ouais, quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué, on va dire, celle à laquelle t'as pensé direct quand je t'ai proposé le podcast? Je crois que la plus marquante, c'est 2012. 2012, je pars jouer en Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Ça, c'est pas mal, ça. Et puis du coup, bah, moi, j'ai l'habitude, avant d'aller dans un lieu, souvent, quand c'est éloigné, tout ça, c'est bien de faire une petite vidéo pour voir déjà s'il y a des gens qui me suivent à cet endroit-là. Du coup, bon, je connaissais un peu la Calédonie. J'étais allé une dizaine d'années auparavant faire du théâtre de rue. Et donc, j'ai fait une vidéo que mon copain programmateur m'a demandé de pouvoir visionner avant de la mettre en ligne. Bon, j'ai fait une vidéo bon, bah, sur le thème du racisme, hein, puisque là-bas, c'est quand même quelque chose d'assez présent. Donc, j'ai fait un truc à base de canaques, de bananes, de singes, un truc vraiment. J'ai joué un Didier très, très raciste qui a tellement peur des canaques que. Enfin bon, bref, j'ai fait un truc vraiment très raciste. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai omis de faire valider cette vidéo par mon copain qui est sur place à Nouméa. Je l'ai mise en ligne en me disant, bah, il la verra bien. Et donc, ce qui s'est passé, tu vois, tu as un décalage de 13 heures à peu près, décalage horaire. Donc, je l'ai mise en ligne un soir. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Le pote qui m'avait laissé plein de messages pendant la nuit, complètement affolé. En gros, en 6 heures de mise en ligne, j'avais droit à des menaces de mort par kilomètre tu vois, de pages indépendantistes canaques, qui évidemment n'avaient pas forcément vu le décalage humoristique, puisque le personnage que je jouais est susceptible d'être réellement vivant sur le territoire des Blancs qui verront jamais de culture kanak ailleurs que dans un musée. T'en as énormément sur Nouméa. Donc voilà, donc le festival suspendu, moi menacé de mort, le pote convoqué au service culturel de la ville de Nouméa, le journal local en parlait. Enfin, ça a vraiment été une affaire d'État, alors que chez moi, bon, bah, forcément, quand tu es à 20 000 bornes, tu t'en rends pas compte. Et on a dégonflé l'histoire tranquillement, voilà, à coup d'interview, machin et tout. Voilà, on a dégonflé l'histoire. Le pote qui me fait jouer, il est énormément en contact avec les communautés kanak, donc il a vraiment pu dégonfler l'histoire. Ce qui fait que je suis quand même allé jouer mon spectacle là-bas. Évidemment, j'avais 4 gardes du corps kanak qui m'attendaient à l'aéroport au cas où, parce qu'on n'était quand même pas sûr que ça partait pas en sucette. Ouais. Et le spectacle s'est joué, ça s'est bien passé. Du coup, on a eu une fréquentation bah d'autochtones, de Mélénais, de Mélanésiens dans le théâtre qui était bah, supérieure à la normale. D'habitude, les Mélanésiens s'en foutent un peu du théâtre de blanc. Et bon, bah là, ils sont quand même venus voir ce que c'était cet oiseau. Et bah, ça nous a permis des super rencontres. On a fait des vidéos de fous, justement, dans des territoires réputés durement indépendantistes dans le cœur du pays. Donc, pour moi, c'était des rencontres de malades. Et puis voilà, on a fait un travail qui n'aurait pas eu lieu sans cette petite omission de faire valider cette vidéo. Voilà, et puis D'accord, un an après, j'y suis retourné. Et j'y suis retourné bah, répéter un nouveau spectacle sous un chapiteau, voilà, pareil, dans un village assez indépendantiste. Et puis, bah, pour remercier les copains qui me laissaient répéter sous leur chapiteau, bah, je leur ai donné une représentation. Et un an après, l'histoire n'était pas encore tout à fait calmée parce que, genre, 2 jours avant la représentation que j'ai fait sous le chapiteau dans un village qui s'appelle Tcho. Tu avais des jeunes qui se pointaient, donc voir un petit peu l'organisation pour dire ouais, samedi il y a un concert, c'est ça, Didier super, il paraît que c'est un fou le mec, ben, j'espère qu'il va nous faire marrer parce que nous, si ça ne nous fait pas marrer, machin. Et en gros, c'est, je crois, la seule fois de ma vie que j'ai joué avec en backstage du chapiteau une bagnole avec les clés sur le contact prête à démarrer au cas où ça part en sucette. Et du coup, voilà, ça s'est bien passé, ouais. Ça s'est super bien passé. On a, oui. Bah, de toute façon, une fois que les gens comprennent qu'il y a, il y a rien de ciblé, qu'il y a rien de communautaire. Pendant le spectacle, il y a quand même eu ce, tu vois, c'était moitié de blanc, moitié de canac sous le chapiteau. Mm-hmm. Quand je dis blanc, c'est les oreilles, hein, voilà quoi, les Français expatriés. Et donc oui. Les Français, je sais très bien leur taper dessus. Pendant le spectacle, je voyais bien que les jeunes canacs me regardaient, genre, bah, et nous, on en a pas eu. Du coup, j'ai trouvé quelques leviers pour qu'ils s'en prennent dans la gueule aussi. À partir de là, ouais, c'était assez jouissif, quoi. Ce public était clairement divisé, bicolore. Ben, c'est devenu un public. Et ça, à la fin de la représentation, c'était clair et net, quoi. Donc voilà, ça avait de la gueule. Ah, c'est magnifique, quoi. Et puis, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que les Kanaks voulaient absolument que tu leur tapes dessus aussi, parce que les publics, tu sais, c'est comme les personnes, en fait, les personnes différentes, tout simplement, tu vois. Quand c'est quelqu'un de différent et qui voit que tu parles pas de lui, tu parles de tout le monde, mais tu parles pas de lui, ils se sentent exclus, que les gens veulent être inclus. Donc là, je comprends tout à fait que les Kanaks voulaient absolument que tu les inclues dedans, quoi. C'est normal, c'est bien. Ouais. Bah, disons que d'autant plus que. Sous un chapiteau en pays kanak, les gens différents, c'est nous. Et si on se tape entre gens différents et qu'on ne s'occupe pas des locaux, c'est encore plus minable. On avait fait un truc aussi, c'était au Biplan à Lille. Alors, je ne sais plus pourquoi, on vient me voir en disant « Ouais, il va y avoir une non-voyante au premier rang, ça ne te pose pas de problème, machin, nana. » Bah non, pourquoi ça me poserait un problème? Non, vas-y, amène-la. Enfin, tu sais, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il y en a avec dans le. C'est plus problématique pour elle que pour moi, quoi. Si tant est qu'il y a un problème. Et donc voilà, le spectacle se passe, machin. Et puis, bah ouais, je vois cet aveugle avec sa canne blanche au premier rang. Puis je la voyais assez rigolarde. Donc je me suis dit, on peut y aller. Et puis je me suis fait la réflexion que c'est quand même dommage de me foutre une aveugle au premier rang. C'est quand même refiler les meilleures places au précisément aux gens qui peuvent le moins en profiter. Oh mon Dieu, t'as osé. et oui, je suis payé pour ça. Et du coup, évidemment, ça a choqué tout le monde sauf elle. Et après, on a causé à la fin, machin, parce que oui, ça, tu sais, le spectacle se passe bien, puis tu sais, ça finit un peu sur une note. Oh, mais si tu veux des spectacles qui se passent mal, mais je vais t'enfiler, mon pauvre. Et du coup, on est devenus assez copains. Et puis en fait, cette scène-là, je l'ai rejouée, alors c'était en 2008, je faisais le point virgule, et tu vois, c'est un petit théâtre de 100 places dans Paris, et le point virgule faisait une petite fête à l'Olympia, ça s'appelait le point virgule fait son Olympia, donc on était peut-être une quinzaine de comiques à se relayer sur la scène de l'Olympia, et pour l'occasion, je me suis dit, bon bah quitte à avoir un public chic dans une vraie salle, on va leur faire un truc chic, et du coup j'ai demandé à une amie qui était comédienne, de prendre la place de cet aveugle. Hein. La date s'était passée à Lille. Je n'allais pas demander à Marie, elle s'appelle Marie Aymar, que j'ai rencontrée au Biplan. Bref, de prendre sa place. Donc, elle a fait la queue dans le public avec une canne blanche. Elle s'est faite passer pour une aveugle. Elle s'est foutue au premier rang. Et du coup, à l'Olympia, on faisait des passages de 5-10 minutes. Donc, j'ai fait mes trois chansons. Nanana, rahaha, on applaudit. Houhou, mon Dieu, c'est impertinent. Puis, bim, rebelote, je me pose. Ils sont allés nous foutre une aveugle au premier rang. C'est complètement con. Ma chère, filer les meilleures places. Alors là, t'as le public qui vient pas spécialement me voir en plus, hein, il vient parce qu'il y a des comiques à l'Olympia. Oh, oh. Et du coup, je pousse le bouchon, je descends de scène en disant bon, l'aveugle, ça sert à rien que tu sois là, tu vas aller te mettre derrière. Pour toi, c'est pareil, il y a des enceintes de rappel derrière. Donc, et du coup, j'ai pris l'aveugle, puis ben, je l'ai emmené derrière pour libérer une place devant. Et on en a fait une vidéo de ça. Mais du coup, ça, c'est à. Ouais, il y a eu une espèce de climat de gêne. Tu sais, on se serait cru pendant les Allemands où tu sens que les gens ne sont pas d'accord, mais tout le monde baisse les yeux. C'était assez jouissif. Mais après, on ne peut pas critiquer. Moi-même, je n'aurais pas bronché si j'avais été dans cette situation, quoi. C'est. Si tu veux des anecdotes de spectacles qui se passent mal, t'en veux? Oh, de tout, il n'y a pas de problème. C'est, tu le vends après, tu te fais du blé avec ça? Absolument. Non, mais... J'espère, hein, j'espère. Ça Oh, vaut l'or. j'aimerais tellement te dire que oui, non, non. Non, là, on est encore loin de la Villa à Saint-Tropez et de la BMW intérieure cuir beige. Tu vois, non, Oui, non, mais vraiment. de toute façon, Non, aujourd'hui, se non. faire de la thune avec des artistes, faut être inconscient. Bah, déjà, non. Et puis surtout, si tu veux, c'est l'économie du podcast. Le podcast, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'argent. Moi, c'est un podcast gratuit. Donc, voilà, moi, c'est pour le plaisir et pour le bonheur de partager, d'écouter déjà des anecdotes. Moi, je kiffe écouter les anecdotes et je veux les partager avec le plus grand nombre, donc avec les artistes, avec les spectateurs et tout. Et merci beaucoup. Franchement, c'est des belles anecdotes. Et donc, ouais, tu en avais de spectacles qui se sont particulièrement mal passés, ouais. Ah ouais, grave. En fait, là où je suis très bon, c'est surtout quand, tu sais, on m'invite et que les gens, que le public va pas forcément connaître mon travail. Je vais pas forcément à chercher à me faire aimer tout de suite. Ouais, il y en a qui peuvent prendre ton personnage au premier degré, quoi. Ben ouais, les gens, s'ils sont pas préparés, ont pas forcément ils arrivent pas forcément à trouver la clé. Et ce qui est assez spécial, c'est que les gens qui arrivent le moins à comprendre ce qui est en train de se passer sur scène, ce sont des gens dont tu vois bien qu'ils ont l'abonnement à la scène nationale, au centre culturel, c'est-à-dire des gens habitués au spectacle vivant. Et tu as l'impression que ces gens-là, qui sont du coup cultivés, j'ai besoin de les décultiver avant de pouvoir en faire quelque chose, quoi. Et là, une des anecdotes les pires, mais enfin bon, c'était autour de... Ouais, on s'en fout, mais vers 2000... Ah, attends, de 2000, 2015, peut-être. Voilà, c'est un copain qui a un festival à Montpellier, et puis on lui avait prêté la petite salle de l'Opéra de Montpellier, donc un 200-300 places, quand même assez chic, vraiment chic, tu vois, à la limite ringard, comme tous les vieux théâtres. Et donc, il faisait voilà, il organisait plein de soirées. Et là, tu avais une chanteuse qui s'appelle Evelyne Gallet, qui est, je pense, lyonnaise, qui faisait son concert, qui s'est très, très bien passé. Et l'idée, c'est de dire, attendez, ne partez pas. Maintenant, la vedette américaine, tous les ans, il invite une vedette américaine à son festival. Les gens ne savent pas qui ça va être. Et du coup, le public d'Evelyne Galley a pu me découvrir. du coup, pour l'occasion, j'ai voulu essayer un truc que je fais déjà dans un spectacle. C'est ce que j'appelle le sketch du seau d'eau. En gros, je me sers de quelqu'un à qui je plonge la tête dans un seau d'eau sur scène, tu sais, en mode un peu Gestapo, quoi, tu vois, pour expliquer aux gens pourquoi les pauvres doivent rester pauvres. Et c'est-à-dire que si tu le laisses le minimum pour respirer, bon, bah, il respire. Et si tu le laisses un peu trop respirer, bon, bah, c'est là qu'il gueule. Et alors évidemment tout ça c'est écrit, c'est millimétré, c'est voilà quoi. Là, je montre bien que la personne elle a la tête sous l'eau, j'enlève la tête de l'eau, la personne respire et je remets la tête de l'eau tout de suite. Et puis dès que je lui laisse un petit peu la tête hors de l'eau, la personne fait tu fais chier, non, non, non, non. Puis là je remets la tête sous l'eau pour dire voyez le pauvre, si je lui donne trop de confort, et eh ben il en profite pour se plaindre. Voilà, c'est l'objet du sketch, c'est ça. Ok, Et juste une question, t'en as tué combien des spectateurs au cours de tes tournées? jusque maintenant je suis assez déçu. Je suis assez déçu du score. Il n'y a vraiment pas de quoi faire la une de Paris Match, quoi. Oh, dommage. Et donc là, la personne que j'ai noyée, bah, c'était ma copine, qui est comédienne et qui joue super bien. Je l'avais jamais fait, tu vois, cette séquence, ce sketch-là, en dehors du spectacle pour lequel je l'avais écrit, je l'avais jamais extrait, et puis je le faisais avec mon pote comédien qui était bon. Bref, c'est la première fois que vraiment j'isolais ce sketch pour le montrer aux gens. Et elle l'a joué vraiment bah, hyper premier degré. Donc elle était à la régie, elle faisait comme si c'était elle ma technicienne. Et puis bah, du coup, j'appelle une pauvre, voilà, Mathilde, tu es intermittente du spectacle, eh bien, tac, tac. Je lui mets la tête sous l'eau. Déjà là, les gens ne rigolent pas du tout. Et puis bah, à un moment, le sketch est fini, bah, elle est complètement mouillée, elle suffoque, elle m'a traité de connard et elle traverse péniblement la salle. En suffoquant avec tu sais, avec la tête complètement trempée, alors que bon, bah, elle rigole, hein, on l'a travaillé tout l'après-midi, voilà quoi. Et là, Oui, même mais... les copains qui nous ont vu répéter l'après-midi dans le théâtre sont venus me voir après en disant là, t'as déconné quand même. Et alors, à l'issue de ce sketch, enfin, tu vois, je pensais que ça allait se voir, que c'était monté, mais pas du tout. Tu sais, puis bah, je fais une espèce de salut comme ça. Et il y a eu, mais aucun applaudissement, aucun, aucun, aucun, aucun. Et du coup, la soirée, Evelyne Gallet avait fait un super concert et tout. Et la soirée, elle a fini vraiment sur un prout, vraiment un échec, un bide total. Et alors, ce truc-là, ben, je l'ai retenté le même sketch dans un du côté du à Mondeville. Tu as Jean-Noël et Élodie qui tiennent un centre culturel là-haut, c'est à côté de Caen. Et donc il y avait plusieurs comiques, il y avait Émeric Lompré, Sigrist, puis il y en avait encore un autre, puis il y avait Camini qui présentait la soirée, puis Jean-Noël a vraiment voulu que je passe en dernier. Et puis ben, on a fait le même sketch avec Elodie, donc le bras droit que tout le monde connaît dans la salle. En plus, elle est black, tu vois, ça rajoute un petit peu pour jouer la pauvre. Et là, c'est pareil, tu as 6 personnes qui sont parties pendant le numéro. La soirée avait cartonné et ce truc-là, ben, vraiment, ça a même pas divisé, ça a mis d'accord tout le monde contre. Et du coup, la soirée, elle a vraiment fini sur un échec. Tu vois, tu sais, à la fin d'une soirée comme ça, tous les artistes reviennent sur scène pour se faire applaudir et tout. Et du coup, à cause de moi, bah, les applaudissements, ils ont été vraiment minables, quoi. voilà. Ça fait partie de mes grandes réussites. Parce que d'un point de vue commercial, c'est l'échec. D'un point de vue artistique, je trouve que ouais, là, il s'est passé quelque chose, quoi. Dans ces cas-là, quoi. Ah, mais franchement, chapeau, hein, là, d'avoir fait ça, c'était vraiment culotté, on va dire, et quand même, bon, ouais, les gens s'en souviendront, ça c'est sûr. Ben, au moins, ils en parlent. Ouais, après, culotté, tu sais, il n'y a pas vraiment de risque, hein. On le fait, voilà, quoi. T'en as plein qui l'ont fait avant moi et qui le feront après. Hein. Non, enfin, sais pas ce que sera le monde d'après, mais voilà. Ouais, mais pas culotté au niveau de l'acte en lui-même, parce qu'évidemment, c'était répété, c'était en sécurité. Mais c'est culotté de présenter ça à un public qui ne le sait pas. Ouais, mais à la fois, voilà, si on monte sur scène, bon, après, t'as le divertissement, t'as les blagues, les gens rigolent. Le problème, c'est quand tu connais pas Didier Super, tu vois. Quand tu connais Didier Super, tu t'attends à tout, en fait. C'est ça, le truc. Et quand tu le connais pas, si jamais on te dit juste, bah, y a un nouvel artiste qui va monter, toi, tu le connais pas, et tu vois ça... En effet, il y a de quoi se poser des questions, mais quand on connaît ton univers, normalement, on peut y aller sans problème, quoi. On peut accepter de voir tout et n'importe quoi sur scène. C'est ça. Mais du coup, moi, ça me fait du bien de renouer un petit peu avec le scepticisme. Mais même dans tous les spectacles, il faut qu'il y ait, faut créer du scepticisme au début pour emmener les gens, quoi. D'accord. Tu vois, même si les gens sont contents de te voir, c'est toujours dommage, c'est d'arriver sur scène gagnant et de repartir gagnant, puis finalement. Les gens repartent en disant ouais, c'était bien, mais ils veulent être un peu challengés, quoi. Bah, il faut qu'ils ressortent, faut pas qu'ils ressortent dans le même état qu'ils sont rentrés. Et pour ça, faut un petit peu de scepticisme. D'accord. faut qu'à un moment ils se disent qu'est-ce qu'il est en train de faire ce con. Oh non, le con, il est en train de faire ça. Il faut que les gens s'attendent à un truc, mais qu'ils repartent avec autre chose quand même. D'accord. Même si effectivement, il y a la marque de fabrique, donc voilà quoi. Voilà, donc c'est toujours plus intéressant de faire ça devant des gens qui connaissent pas, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, en tout cas, c'était vraiment de très, très belles anecdotes. Elles sont, ben, à votre service, Sofiane. Avec grand plaisir. Franchement, c'est vrai que c'est incroyable. Et puis, d'avoir ce goût du challenge, de vraiment toujours repousser un petit peu les limites, même quand les gens te connaissent, de vouloir vraiment les cueillir, qui se disent, bah, non, quand même, non, ça ne peut pas être calculé. Ah ben si, en fait, finalement, si. Tu vois, enfin, laisser le doute, voilà, comme tu disais, le scepticisme, laisser le doute comme ça, je trouve que c'est beau parce que ça prouve que tu as une volonté de renouvellement, tu vois, tu veux te renouveler, tu veux pas rester sur tes lauriers, quoi. Bah, de toute façon, c'est le meilleur moyen de faire des carrières courtes, hein, de se dire c'est bon, j'ai trouvé la recette, il n'y a plus qu'à appliquer, quoi. Au contraire, quand j'ai commencé, enfin, Didier Super, ça a démarré assez mal, ça devait être du théâtre de rue, c'est devenu des concerts, et assez vite, j'ai réorienté ça vers les salles assises, donc les théâtres, les salles des fêtes, voilà, tout ça. Et le switch entre concert et spectacle assis a amené pendant un an ou deux un public qui venait clairement voir du concert, donc se rouler à terre, donc qui arrivait pas forcément dans le bon état, c'est-à-dire en version expurgée, ils arrivaient bourrés dans la salle. Donc ça pouvait arriver, le spectacle commence et je m'aperçois que bon, bah, y a deux, trois mecs ils vont pas pouvoir comprendre le spectacle parce qu'ils vont brailler tout le temps comme s'ils étaient à un concert. Et alors que quand tu es à un spectacle, tu essaies d'être un minimum à l'écoute, même si j'aime l'interaction, il faut pouvoir la doser un minimum pour que le spectacle soit vivant, mais quand même qu'il puisse être suivi. Et du coup, bah, quand tu as ce mec bourré, ces mecs bourrés qui sont dans la salle, j'avais une petite routine qui s'est montée assez vite. C'est, bon, tu vois, t'as, le spectacle commence, tu as le mec, Didier, tu vois, voilà, donc le spectacle ne va pas pouvoir être joué. Les autres spectateurs se disent, ah, lui, il est complètement relou, il va nous gâcher notre plaisir. Je laisse faire une minute ou deux, tu vois, histoire de vraiment que tout le monde soit conscient que le spectacle ne peut pas avancer. Mmh. Là, j'arrête le spectacle en disant, bon, et je m'adresse au mec bourré en lui demandant ce qu'il pensait des vendeurs en porte-à-porte qui vendent des séries entières d'encyclopédie Larousse à des gens qui ne savent pas lire dans des quartiers très défavorisés. On est d'accord, là le public est pris à partie, on est d'accord que ça s'appelle de la vente abusive. Et toi, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on t'ait vendu un ticket de spectacle alors que tu n'es même pas en état de le suivre? Eh bien, c'est de la vente abusive. Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde vote, paf, tout le monde est d'accord. Bon, ben, puis, ben, je vais t'emmener te faire rembourser. Et puis là, je chope le ou les gars par le bras. Et puis, ben, je les foutais dehors. Ah ouais, d'accord, en espérant c'est... qu'il y ait des gens de l'orga qui soient là pour les cueillir. Pour les cueillir et bah, leur expliquer que la situation fait que voilà, moi j'étais obligé de les virer. En général, une orga ne bouge pas parce que les gens, les orgas pensaient que ça faisait partie du spectacle. Et le public, t'as une partie du public qui pense que le fait de virer un mec, ça faisait partie du spectacle aussi, tu vois. Il y a... Voilà. C'est le risque, quoi. Quand tu vois, tu sais, quand tu vois l'artiste qui prend quelqu'un et qui lui met la tête dans un seau d'eau et qu'en fait c'est voilà. calculé, quand tu le vois virer quelqu'un de bourré, tu dis bon, bah pareil, c'est un autre copain à lui, comédien. C'est calculé, voilà, c'est ça, oui. Exactement. Tu vois le revers de la médaille, mais c'est important de le faire parce que le gars, sinon, bon, bah il s'installe chez toi, quoi. Tu vois, il te fout en l'air ton spectacle et puis voilà, ça fait plaisir à personne. Non, ben c'est sûr, ça prend en otage après les autres spectateurs qui voulaient suivre le spectacle tranquillement et tout. Hein. Mais ça va, t'as une façon... parce que j'ai déjà entendu des gens qui viraient les autres pendant les spectateurs un peu récalcitrants pendant le spectacle, mais toi, t'as une façon... tu vois, tu lui amènes ça avec une comparaison et tout, avec une belle image. Donc, il faut le mettre en scène. Il faut le mettre en scène, sinon tu perds le public. Même voilà, si le public est d'accord avec toi, si tu le fais salement, tu les perds. C'est un spectacle. Hein, ils sont au spectacle, donc tu peux pas faire autrement. C'est vrai, ouais, tu veux garder leur empathie, je comprends tout à fait. Ah bah, tu vois, pour te donner un autre exemple, c'était au Théâtre du Temple, tu avais un directeur de salle qui, de temps en temps, c'était dans la même époque, pouvait se comporter vraiment comme un connard avec les gens qui rentraient dans la salle, une façon de les accueillir, des fois désagréable, vous mettez-vous là, voyez bien qu'il y a un trou, nana, tu vois, le mec se comportait pas forcément très bien. Résultat, toi, tu es derrière le rideau, bah, tu sais que tu vas ramer parce que le public est plombé. Parce que quand les gens rentrent dans la salle, le spectacle commence. Et s'il y a une mauvaise énergie là-dedans, c'est toi qui la récupères. Lui, il s'en fout, il a fait sa billetterie, hein, le dire l'eau, quoi. Ouais, malheureusement. Eh ben, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ça me rappelle un petit truc qui m'est arrivé à Lille. J'avais joué, il y avait un artiste avant moi. Et l'artiste, alors moi, mon spectacle à moi était déjà, je crois qu'il était à 22h. Il était prévu à 22h. Et l'artiste avant moi, au lieu de jouer jusqu'à 22h, ben, il a joué jusqu'à 22h20 ou 30, quoi. Tu vois ? Oui, bah oui. Donc, on a perdu du temps comme pas possible. Il y a des gens qui étaient arrivés en avance, qui ont attendu super longtemps. Donc, quand ils sont rentrés pour mon spectacle, j'ai senti que je ne les avais pas parce qu'ils étaient déjà énervés d'avoir dû attendre trop longtemps et tout. Ça fait qu'on n'a pas passé un super, super spectacle, quoi, tu vois. Ouais, ça joue. C'est ça. Ça joue. C'est ça. C'est, bah, en théâtre de rue, c'est pareil. Les gens s'assoient par terre. S'ils attendent une heure et demie un spectacle, au lieu d'attendre une demi-heure, trois quarts d'heure, tu payes tes rames, quoi. Ouais. Ça, c'est inévitable. C'est ça. Voilà. Bah, écoute, hein. En tout cas, c'est ce qui fait quand même la beauté du métier et du spectacle vivant. Et on continuera à vouloir leur plaire et à passer des bons moments avec ces gens qui viennent nous voir, qui nous font le plaisir de venir nous voir et qui nous manquent tellement en ce moment. Voilà, les prochains, on fera comme avant, mais en streaming. Vous en faites pas. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, vraiment. Merci Didier pour ces belles anecdotes, c'était super. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bon, toujours un truc Facebook là, puis après c'est tout, hein. Ouais. Ok, bah très Ouais. bien. Je mettrai ton site officiel, Facebook et YouTube. Il n'y a pas de problème. Bon, bah merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.